Le hussard sur le toit, de Jean Giono. Huitième épisode. Après avoir passé plusieurs nuits sur les toits de Manosque et aidé une vieille nonne à ensevelir les cadavres de l'épidémie, Angelo trouve les rues désertes et les maisons abandonnées, souffle la boutique d'un marchand de draps. Le choléra ? Une simple contagion. Il suffit de l'appeler par son nom sans chercher midi à 14h. Ce pays serait salubre, mais nous sommes tous ici plus ou moins obligés de compter avec la terre. Un tambour de fumier se vend 8 sous. Vous n'en sortirez pas. Ces 8 sous, personne n'a envie de les donner. La nuit, les gens établissent des barrages en travers des ruisseaux et entassent de la paille, retiennent les ordures et se procurent ainsi du fumier à bon compte. Il y en a même qui paient 2 sous pour avoir le droit d'installer des caisses à claire-voie aux issues des tinettes. Le fumier se vend trop cher. Et sans fumier, bernique. Parlez-moi contagion et je vous suivrai, monsieur. Vous avez de bien belles bottes. Mais choléra, ceci demande réflexion. Et même, je dirais, prudence. C'est qu'on aura toujours besoin de fumier, notez le fait. Et que la contagion passera. Choléra, c'est beaucoup dire. Et c'est avec des mots qu'on fait peur. Si on laisse arriver la peur, on ne pourra plus faire un pas. Et les morts ? 1700 sur une population de 7000. Et puis-je vous être de quelque secours ? Je cherche un nommé Giuseppe. Je ne connais pas. Vous avez dû vous rendre compte qu'il n'y a plus personne en ville. Il n'y a plus que moi. Tout le reste est allé s'installer dans les champs, au grand air. Dans les collines. Pourquoi n'êtes-vous pas parti ? J'ai sous mon toit des entrepôts pour mes draps. Ils étaient déjà depuis longtemps bourrés de camphre pour les mites. C'est parfait pour la mouche de la contagion. Une petite mouche, même pas verte. Touchez-moi la main. Volontiers, mais veuillez au préalable la plonger dans ce pot de vinaigre. Enfin, Angelo se sentit ridicule. C'est de façon délibérée et en balançant les bras comme pour une promenade qu'il sortit de la ville. Il mâchait même un brin de menthe. Les collines s'arrondissaient en cirque. Sur leurs gradins, toute la population de la ville était rassemblée comme pour le spectacle d'un grand jeu. Elle bivouaquait sous les vergers d'oliviers, les bosquets de chênes, dans la broussaille des térébintes. Des feux fumaient de tous les côtés. La première chose qu'Angelo vit à côté du chemin fut un paravent planté sous les oliviers. Il était peint de couleurs très vives et portait les guerriers empanachés et les seins jaillissants des cuirasses d'un champ de l'Arioste dont tout de suite Angelo se souvint. Il était installé à côté d'une bergère en tapisserie sur laquelle était entassée une boîte incrustée de coquillages, une ombrelle, une canne à bec d'argent et des châles que le vent avait bousculés et qui traînaient dans l'herbe. Au pied de l'olivier le plus proche, on avait placé un petit bonheur du jour bien astiqué, qui portait coquettement sa pendule sous globe. Tout autour, dans un espace de 7 ou 8 mètres carrés, était disposé le plus harmonieusement du monde, un porte-parapluie, une haute lampe à pied, un pouf et une plante verte en pot. Un homme, madame. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde. Quoi ? Nous. Bonjour, madame. Est-ce que tout va bien ? Très bien, monsieur. Est-ce que ça vous regarde ? Il y avait aussi à tout bout de champ des familles d'artisans assises à l'ombre d'un mur ou d'un talus ou sous un petit chêne, avec des enfants, des ballots de linge, des caisses d'outils. Les enfants ne jouaient pas. On avait transporté des buffets, des canapés, des poêles avec leurs tuyaux. Les meubles étaient placés dans les vergers, sous les arbres isolés, même en plein vent. On voyait très bien qu'on les avait orientés comme dans la pièce d'où on les avait tirés. Quelquefois, ils encadraient une table recouverte de sa toile cirée avec 5 ou 6 chaises disposées autour. Il y avait alors une femme désœuvrée assise sur une de ces chaises et toujours à côté d'elle, l'homme, debout et vacant, comme un héros pris de court. Est-ce que je vais trouver mon Giuseppe dans tout ça? Ou bien est-ce qu'il est mort? S'il est mort, je suis dans de mauvais droits. Au lieu de rester avec la nonne, j'aurais dû le chercher. Mais où dans la ville? Et demander à qui? Ici, dans les vergers, on voit les choses différemment. De toute façon, c'est vrai. J'ai perdu mon temps avec la nonne. On ne fait pas toujours ce qui est raisonnable. Madame, est-ce que vous vendez du tabac? J'en vendais. Vous n'en avez pas encore une petite miette? Qu'est-ce que tu veux foutre avec des miettes? J'en ai du frais. Et des cigares? Ah, tu es un type à cigares, toi. J'ai des cigares pour tous les âges, mon mignon, si on les paie. On va s'arranger pour vous les payer. Vous devez connaître tout le monde, vous. Ah, bah ma foi, j'en connais ma grosse part. Vous connaissez un nommé Giuseppe? Ah, mon mignon, je ne le connais pas de cette façon-là, moi. Hein? À quoi il ressemble, ton Giuseppe? Et familièrement, comment qu'on lui dit? Il a un surnom? Je ne sais pas. Le Piémontais, peut-être. C'est un grand maigre et noir, avec les cheveux frisés. Ouais, ben, je connais pas de Piémontais. Tiens, voilà tes cigares. Noir, tu dis. Et tu ne sais pas s'il est mort? Justement, j'aimerais bien qu'il soit vivant. En fait, d'aimer bien, tu n'es pas le seul. Il y a de grandes chances pour que ton Giuseppe fume des mauves. On meurt tous ces temps-ci, t'as bien vu? Pas tout à fait. On est encore quelques-uns. Ah oui, oui, et nous sommes propres. Tiens, en voilà une qui va peut-être te renseigner sur ton Giuseppe. Qui c'est, ce Giuseppe? Un homme, mon bel oiseau. C'est un ami que je cherche. Tout le monde cherche un ami. Bonjour. Tiens, Cléristin, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, tu vois, Madame Marie, il s'agirait de me trouver mon tabac maintenant. Vous êtes un peu débrouillé dans tout ça, oui? Bah, et toi, tu as trouvé un coin pour ton mulet? Ton tabac est là-dessus, dans ces caisses. Est-ce que tu veux me les remuer ou bien est-ce que tu en laisses un autre? Il y a celui-là qui cherche un nommé Giuseppe. Giuseppe quoi? Giuseppe, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Cordonnier. Je connais pas, il n'a qu'à aller voir Féron. Ben c'est vrai, c'est un cordonnier, ils se connaissent entre eux. Où est-il, ce Féron? Monte là-haut, dans ses pins, et il est un peu au-dessus, dans les genévriers. Il y avait un chemin qui montait de terrasse en terrasse. Sur ces étalements soutenus par de petits murs de pierre, les vergers d'olivier faisaient crépiter silencieusement les énormes étincelles noires de leurs troncs tordus. Sous cet abri transparent comme un voile de soie, les gens campaient par petits groupes. Maintenant, ils mangeaient. Il était à peu près midi. Et dis donc, toi, on peut acheter du pain quelque part? Un peu sur la gauche, vers les cyprès. Bien avant d'arriver au cyprès, on sentait une bonne odeur de fournil. Une fumée bleue très paresseuse et dans laquelle l'éclatante blancheur du soleil donnait de miroitants coups d'aile indiquait aussi l'endroit. Eh ben, vous tombez à pic. On va défourner. Quant à vous dire ce que ce sera, avec ce four de campagne, j'en sais rien. Peut-être du pain, peut-être de la galette. Il se peut aussi que ce soit une cochonnerie. Ah, c'est bien la première fois de ma vie que je travaille de cette façon. Ce sera ce que ça sera. C'est bien ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce que ça prend comme tournure? La même. Il y a toujours des cas? Si on en croit les choses, il n'y a aucune raison pour qu'on ne les croit pas. Les gens ont l'air un peu abrutis, mais ils vivent. Ils étaient tout aussi abrutis en ville. Et ils vivaient, mais on ne les voyait pas. On ne voyait que les morts. Je reconnais qu'ici, ça semble un peu le contraire, et c'est autant de gagner. Hey, regardez donc un peu, en bas, dans le fond, de ce côté-ci. Le vallon, là, qui s'en va vers le dedans des collines. Vous voyez, ces tentes jaunes, c'est une infirmerie. Et là-bas, au quartier de Saint-Pierre, dans les vergers de cerisiers, encore des tentes, encore une infirmerie. Si vous étiez comme moi, en train de vous reposer au pied du cyprès depuis que le four est allumé, vous auriez vu qu'on en charriait là-bas tant et plus. Si j'en ai pas compté 50 depuis ce matin, eh bien dites donc, hein, 50, est-ce que ça n'est pas un chiffre? Ça ne peut pas s'arrêter tout de suite. Je ne sais pas ce que ça ne peut pas, mais je sais ce que ça peut. Et ça là-haut. Ah, c'est plus intelligent que ce qu'on croit, hein, ces bestioles. Ça connaît son intérêt, allez, et c'est pas là pour le roi de Prusse. Vous pouvez leur tirer des coups d'arquebuse, ça reste où ça mange. Bon, la fournée est prête. Mais on est sûr de rien avec ce système-là. Celle d'avant était passable, celle-là ne vaut pas un pet de lapin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse payer pour ça, hein? Et donnez-moi ce que vous voudrez. Disons 2 sous et prenez-en 3 ou 4. Un peu plus haut, à l'orée d'un bois de pin, Angelo trouva une petite famille bien honnête qui faisait silencieusement midi et regardait le vaste paysage en mâchant longuement les bouchées. En bas de la colline était la ville, une carapace de tortue dans l'herbe. Au-delà de la ville s'élevait une plaine d'herbes jaunes tachée de grandes plaques de rouille. C'étaient les champs de blé sur lesquels la moisson n'était pas faite et ne se ferait pas, parce que les propriétaires étaient morts. Plus loin, serpentant à plat une durance de pierre et d'os, sans une goutte d'eau. L'horizon était encombré de montagnes enchevêtrées. Les routes étaient désertes. Angelo continua à monter dans la colline vers le bosquet où devait se trouver l'homme qui connaissait peut-être l'endroit où se trouvait Giuseppe. Le nommé Ferro avait installé son établi à l'orée des arbres, moitié à l'ombre, moitié au soleil. Ah, vous voyez cette colline plantée d'amandiers? Et Giuseppe est là. Probablement un peu plus haut, vers l'Aïeuse. Vous en êtes sûr? Oh, absolument. Sitôt que vous serez sur la colline des amandiers, demandez à n'importe qui, on vous mènera droit sur lui. Alors, on le connaît? Moi, je le connais très bien. Et vous, qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis son parent. Ah, quel parent? Il n'est pas question d'Italie? Si. Oh! Il est un tout petit peu question d'Italie. Ah, viens voir, c'est le monsieur que Giuseppe a tant attendu. Vous avez bu? Pas une goutte depuis 2 jours. J'ai la bouche en fer blanc. Ah, alors... Tant mieux. Actuellement, la bouche en fer blanc, c'est le ventre en fer blanc. C'était le souci de Giuseppe. Oh oui, ça. À longueur de journée, il répétait, vous verrez qu'il boira. Il ne pourra pas tenir. Le boire me le tuera. Oh, le boire ne m'a pas tué. Je buvais du vin quand je pouvais, quand je ne pouvais pas, je me privais. Moi, je vous donnerai pas de vin. Nous n'en avons pas. Mais de l'eau bouillie et rebouillie et juste une demi-tasse. Aïe, aïe, aïe. Vous savez ce qu'il faut faire? Moi, j'arrête pas de le répéter à mon mari et à mes filles. Ils se moquent de moi. Bah, écoute... Il faut s'habituer à faire de la salive et ne boire que sa salive. Ah oui, c'est bon, ça. Actuellement, celui qui boit sa salive ne meurt pas. Il ne meurt pas? Mais il crève de soif. Je te dis que je vais lui en donner une demi-tasse. C'est pas mieux. Maintenant que Giuseppe a son monsieur, c'est pas le moment de lui tuer dans les mains, non? Tenez. Et dites, la nuit va tomber, vous pouvez souper avec nous, si le cœur vous en dit. Et même coucher, demain il fera jour. Non, je veux voir Giuseppe le plus tôt possible. Alors, il faudra que vous preniez un chemin un peu plus long que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais plus sûr. Il ne s'agit pas de fantômes, il s'agit qu'on va déposer les malades aux alentours, en catimini, à cause des quarantaines qu'on fait faire aux parents qui les ont soignés. Admettez que vous tombiez juste sur une ronde. Ils ont une prime chaque fois qu'ils attrapent quelqu'un. Alors vous en avez pour 40 jours. Mais en ce moment, ils s'en passent des choses, en 40 jours. Angelo suivit les nouvelles instructions de Ferro et prit par le flanc de la colline, le long de terrasses qui faisaient comme des avenues se surplombant. On arrivait aux amandiers par une falaise de rochers qu'il fallait contourner. Des feux s'allumèrent partout. À travers le feuillage des oliviers, des pins, des chênes, leur lueur rouge donnait de violents coups d'aile. Elle frappait en bas la ville vide. À deux lieues de l'autre côté, les feux cachés sous les forêts de la Durance étincelaient à ras de terre entre les troncs comme des braises dans une grille sur toute la longueur du fleuve. Après un détour, Angelo se trouva à l'entrée d'une sorte de cirque entouré de grands chênes où se tenaient une centaine d'hommes et de femmes agenouillés dans l'herbe. Angelo pensa tout de suite aux anges qui montent et descendent les échelles de Jacob. Et voici à quoi en arrivent les gens simples. La nonne et moi, nous avons peut-être lavé de nos mains et préparé pour la résurrection le père, la mère, le frère, la sœur d'un de ceux ou d'une de celles qui sont là, en train de demander simplement à tous les saints de prier pour eux. Ce procédé est beaucoup plus facile et doit faire forcément recette. Il faudrait trouver en politique un truc semblable. Et s'il n'existe pas déjà, il faut l'inventer. Angelo s'aperçut qu'il n'avait pas suivi les indications de Ferro. Et retrouver l'endroit là-haut dans les ténèbres, il ne fallait pas y compter. Le plus simple était de descendre carrément le chemin. Il ne marchait pas depuis une demi-heure qu'il se trouva devant un verger dont tous les arbres portaient au moins une lanterne. Une patrouille. Restez tranquille, ou nous vous tirons dessus. On vous connaît, hein? Si vous vous échappez, on ira vous chercher là-haut dans les bois. La loi est faite pour tous. Laissez-les, je vous en supplie. Ce sont mes frères, c'est notre père que nous avons apporté. On ne pouvait pas l'enterrer là-haut. Manquerait plus que ça. Pour empoisonner tout le monde, vous devez déclarer vos morts et faire quarantaine. Nous n'avons pas envie de mourir comme des mouches. C'est dans vos quarantaines qu'on meurt comme des mouches. Je ne donnerai pas ma place pour un boulet de canon. Je vous en prie, ne dites rien. Laissez-moi partir. Je vous donnerai un pain de sucre. Et comment as-tu un pain de sucre, toi? Ah, vous n'êtes pas un de ces messieurs? De quels messieurs veux-tu parler? Taisez-vous! Reviens. Si vous vous poussiez un peu, je pourrais me relever. Je te laisserai te relever quand tu m'auras expliqué ce que c'est que ton pain de sucre. J'ai aidé un camarade. Sa sœur est morte cet après-midi et nous sommes venus la jeter dans ce coin. Car ces messieurs de l'infirmerie enterrent tous les morts qu'ils trouvent. S'ils vous attrapent, ils vous emmènent aux quarantaines. C'est pourquoi je me suis caché quand ils sont passés. Et vous m'êtes tombé dessus. Et ton pain de sucre, qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? Quelquefois, quand on leur casse la patte, ils vous laissent aller. C'est pas grand-chose, un pain de sucre. On en a un pour 12 sous. Ah, vous croyez? Depuis qu'il y a la maladie, il n'y en a pas beaucoup qui boivent le café doux. Si vraiment vous me laissez me relever, je vous donnerai à vous. Vous ne croyez pas? Si, mais je n'en veux pas. Vous m'avez fait tellement peur que j'ai les jambes coupées. Et vous, qui êtes-vous? Vous en avez aussi apporté un? Non. Moi, je file. Je cherche mon chemin. C'est dangereux de le chercher par là, vous savez. Où allez-vous? À cette colline qui est plantée d'amandiers, qui doit se trouver de ce côté. Je ne sais plus très bien où. Je peux vous conduire si vous voulez. Tu connais le chemin? Je connais un chemin que personne ne sait. Et qui y va franc. Eh bien, allons-y. De toute façon, si on nous attrape, je ferai de l'esclandre. Pendant ce temps, échappe-toi. Entendu. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, on doit s'estimer heureux. À Marseille, à ce qu'on dit, il y a des rues où les morts sont entassés plus haut que l'imposte des boutiques. À Aix, même chose. Et à Avignon, les malades se jettent dans le Rhône, où ils s'ouvrent la gorge avec des rasoirs. Ils se coupent les veines du poignet avec les dents. Dans certains endroits, ils sont tellement brûlés de fièvre que les cadavres deviennent comme de la madou. Ils s'enflamment tout d'un coup, tout seuls, pour un peu de vent qui leur passe dessus. Il y a d'autres endroits dans la Drôme où les oiseaux sont devenus fous. Dans un pays pas très loin d'ici, dans la colline, les gens ont commencé par suer du sang. Puis ils ont sué de tout. Et entendu, ils sont morts. Il paraît qu'après, les cadavres pleuraient. C'est une femme d'ici qui est allée chez sa belle-sœur. Elle dit que beaucoup de choses s'en sont mêlées. Elle a très bien vu, en plein jour, des étoiles à côté du soleil. Et pas du tout arrêtées comme elles sont la nuit. Mais s'en allant à petits pas, de droite et de gauche, comme des lanternes de gens qui cherchent. Attention! Mais où il paraît que c'est vraiment fort, c'est dans les vallées, là-bas derrière. Et alors c'est rapide. Ils mangeaient dans une ferme, ils étaient 7. Tout d'un coup, ils tombent tous les 7. Le nez dans leur assiette de soupe, passé muscade. Ou bien un homme parle à sa femme, et il ne finit pas le mot. Y a rien à faire, n'est-ce pas? Tenez, vous voyez ce sentier qui monte à travers les rochers? Il ne vous reste qu'à passer par là. Vous n'avez plus besoin de moi. Je m'en retourne. Vous voyez que je connaissais bien le chemin. Hé, l'artiste, où vas-tu? Je cherche un nommé Giuseppe. Si c'est ça, c'est facile. Amène-toi, je vais te conduire. Vois ce feu, là, devant la hutte de roseaux. Tu es arrivé. Giuseppe. Angelo. Voilà enfin le fils de sa mère. Ah. Le hussard sur le toit, de Jean Giono. C'était le 8e épisode, avec Bruno de Volder, Angelo, Robert Basile, le boulanger, François Direc, Ferro, Michel Amiel, la femme de Ferro, Stéphane Bieri, le jeune garçon, Henri Serre, Giuseppe, ainsi que Arlette Balkis, Lydie Pruvost, Gilberte Rivet, Rosine Rochette, Georges Beauvillier, Claudine Le Gall, Dominique Tout-le-Monde, François Giombini, avec la voix de Pierre Vanek. À l'harmonium, Raphaël Tambieff. Directeur du son, Jean Jusfog, assisté de Pascal Bénard. Bruitage, Louis Amiel, assisté de Frédéric Antoine. Adaptation et réalisation, Claude Mourté, assisté de Daniel Finot.